que je me suis en selle, ce fut dans un carrousel. Il n'est pas étonnant que ma tête tourne tout le temps. Le mouvement de rotation en n'est qu'une tête, il n'y a pas d'évolution. Lorsque je me suis mis en route, je suis la rue directe à mon cou. C'est que dans le trafic, à tout coup je panique. Le mouvement de masse, ça se fait à la queue de roue. Si tu veux prendre ma place, je connais toi. J'ai commencé par flâner, j'ai fini par planer. J'ai volé bien haut, au fond de l'eau. Remontant à la surface, question de pas perdre la face. Je m'adapte à mon milieu, même s'il y a quelqu'un qui fait encore mieux. Dans le fond, moi je m'en fous, je suis bien mieux vous. Vous dans le flux, c'est bien mieux que je garde là. Il m'arrive de tout perdre, sans de l'humour et amour. Alors je me fais de la merde, sans plus devoir et avoir. Il m'arrive de me sentir seul, sans un sou et un sou. Alors je me fends la gueule, sans plus devoir, sans le faire voir. Sans cadavre que danser, je me mets à balser, en poignant le trottoir, pisant dans le couloir. Sans pédale sur l'heure, le voilà qui pleure. J'ai fait peur à l'enfant, il a crié ma mère. Il m'arrive de tout perdre, sens de l'humour et amour. Alors je me fais de la merde, sens de voir, va te faire voir. T'es de la fille mes pensées, pour les voir monter, puis les rattraper. J'exécute le verbe, je ressens l'adjectif, j'appuie les mots et le complément, le complément, le complément. Certains ont des visions, d'autres des télévisions. Certains ont du fun, d'autres ont juste le téléphone. Dans le fond de mon puissant, je cherche à tout hasard pour retrouver la source de vie. Dans le fond de mon puissant, je cherche à tout hasard pour retrouver la source de vie. Y'a pas un seul Dieu qui peut faire mieux qu'un homme heureux. J'aurais jamais cru que la vie fût si crue. Aujourd'hui j'y crois, cloué sur ma croix. Dieu, accueille-moi, j'ai une question pour toi. Je t'invite pour nulle part. Je m'envoie te faire voir. C'est pas la première rendez-vous pour la maison des fous. Ton âme s'enflamme, mon cœur s'envaisse, et nos cœurs flambent dans un champ de fraises. Ton âme s'enflamme, mon cœur s'envaisse, et nos